qu'Allah lui fasse miséricorde, de lui écrire un livre dans la croyance, qui sera une base pour lui et ses proches. Et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah écrivit cette épître et il se répandit en Irak, en Égypte, au Yémen et dans d'autres pays. La deuxième catégorie est lorsque le questionneur demande l'avis des gens de science sur un sujet bien précis. Puis la réponse se fait par l'écriture d'un épître, comme ce fut le cas pour le livre intitulé Al-Fatwa Al-Hamawiyatul Kubra de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, car un groupe de personnes de la ville de Hama en Syrie se sont rendus en Égypte pour rencontrer Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah et le questionnèrent sur l'avis des jurisconsultes et des imams de la religion concernant les textes traitant des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième catégorie est lorsque le questionneur questionne quant à un problème personnel et le savant répond par l'écriture d'un épître, comme ce fut le cas pour le livre d'Ibn al-Qayyim Rahimahullah, intitulé « Péché et guérison ». Et on tire de ces trois catégories plusieurs enseignements. Le premier enseignement est la permission de revenir aux savants d'autres pays que le sien. Ainsi, il n'est pas obligatoire de questionner et de revenir aux savants de son pays. Car dans les deux premières catégories, les gens ont questionné le savant dans notre pays. Et nous avons aussi quelques exemples dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous indiquant ce principe. Lorsque Ma'bad al-Juhani commença à contester le destin, les gens de la région de Bassora voyagèrent vers Médine dans le but de questionner un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il y avait des compagnons dans leur région. L'imam Muslim rapporte, d'après Yahya ibn Ya'mour, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit: le premier à contester le destin à Bassora fut Ma'bad al-Juhani. Avec Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, nous partîmes accomplir le pèlerinage. Nous nous dîmes, si nous rencontrons l'un des compagnons du messager d'Allah, nous pourrons le questionner au sujet des propos de cela sur le destin. Nous eûmes alors l'occasion de rencontrer Abdullah ibn Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agré, alors qu'il entrait dans la mosquée. Mon compagnon et moi-même l'encadrâmes, l'un se tenant à sa droite et l'autre à sa gauche. Pensant que mon compagnon me laisserait la parole, je déclarais: Abu Abdurrahman, des gens sont apparus chez nous qui récitent le Coran et recherchent le savoir avec insistance. Ils prétendent qu'il n'y a pas de destin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a connaissance des choses qu'après leur arrivée. Et Ibn Omar radiallahu anhu répondit: quand tu rencontreras ces personnes, informez-les que je me désavoue d'eux et qu'ils se sont désavoués de moi. Et comme nous l'avons mentionné, le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ainsi, nous voyons qu'ils sont revenus à Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agré, malgré qu'il y avait des compagnons dans leur région. Et avec cela, nous sommes en mesure de réfuter certains individus qui prétendent qu'il est obligatoire de revenir aux savants du pays où l'on se trouve lors des troubles, car selon eux, ils seront toujours plus savants de ce qui se passe dans leur pays qu'autrui, et ceci n'est basé sur aucune preuve tangible. Le deuxième enseignement est qu'il convient aux croyants de poser des questions profitables, car les questions précédentes étaient très profitables et furent la cause d'un grand bien. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient pour habitude de poser des questions profitables au prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même cité certaines d'entre elles dans le Coran, comme dans le verset 222 de Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction de ce verset: Il t'interroge sur les menstrues. Réponds-leur, c'est une souillure. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, allez à elles comme Allah vous l'a ordonné. Allah aime ceux qui se repentent abondamment et ceux qui se purifient. Et Anas ibn Malik, qu'Allah l'agré, rapporte que lorsqu'une femme juive avait ses menstrues, les hommes ne mangeaient pas et ne restaient pas avec elle. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala révéla ce verset. Donc l'auteur fut questionné sur le sens de la ilaha illallah. Et il n'y a pas de doute que cette question est très importante, surtout de nos jours, car beaucoup de musulmans, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, ignorent le sens exact de cette parole et ce qu'elle implique. Et nous avons une parfaite illustration de cela avec ce qui s'est passé ces dernières semaines. Après le décès d'une journaliste chrétienne d'origine palestinienne qui fut tuée pour la cause palestinienne, de nombreux musulmans ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder sa miséricorde. Alors qu'elle est morte sur la mécréance, certains ont même prié sur elle et d'autres ont fait la umrah pour elle, malgré que ceci est interdit et que ceci contredit cette parole, car la parole d'unicité implique le désaveu des polythéistes. Et le plus triste dans cela est que certains qui s'affilient à la science et à la jurisprudence, certains de ceux qu'on appelle alim, savants, oustev, professeurs ou imams, ont même conforté les musulmans dans le fait que tout cela est permis, en se basant parfois sur des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet, ni de près, ni de loin. Mais si ils seraient revenus au sens de cette parole, et à ce qu'elle implique, ils se seraient rendus compte de leur égarement manifeste. Ensuite, l'auteur nous dit: Sache. Donc l'auteur a commencé son épître par sache, pour prendre exemple sur le Coran. Car dans le Coran, certains versets commencent par « sache ». Comme c'est le cas du verset dans Surat Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fa'alam annahu la ilaha illallahu wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. » Sache qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et implore le pardon pour tes péchés ainsi que pour les croyants et les croyantes. Et quelqu'un pourrait se demander quel est le but de ce procédé. L'éminent savant Hafid al-Hakami, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit que ce procédé indique l'importance de ce qui va suivre et a pour but d'inciter le lecteur à prêter attention à ce qui suit. Ainsi, le Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'auteur de cette épître, veut nous montrer que ce qui suit est d'une haute importance et qu'il faut y prêter une grande attention. Et il est bon de rajouter ce que certains de nos mashayikhs au Yémen disaient. Il ne convient pas d'utiliser ce procédé pour des choses de second plan ou pour des choses que tout le monde connaît, comme le fait que le ciel est au-dessus de nous et la terre en dessous. Ensuite, l'auteur nous dit « qu'Allah te fasse miséricorde ». Donc ceci est une invocation pour l'étudiant en sciences et ceci nous montre plusieurs choses. Parmi elles, la douceur et la miséricorde de cet imam. Car comme nous l'avons mentionné dans le cours précédent, beaucoup de ses livres commencent par une invocation. Également, ceci nous montre que la science et le prêche sont basés sur la douceur et la miséricorde. Car ces deux caractéristiques ont un impact considérable sur les gens. Et aussi cette invocation nous montre que la douceur et la miséricorde sont des caractéristiques des gens de la Sunna. C'est pour cela que l'éminent savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit dans son livre intitulé Manhaj Sunna, les gens de la Sunna sont les plus savants de la vérité et les plus miséricordieux envers les créatures. Ensuite, l'auteur nous dit que cette parole est la distinction entre la mécréance et l'islam. Ici, l'auteur va nous mentionner certains noms de la parole d'unicité. Et il commence par le fait que cette parole est la distinction entre la mécréance et l'islam. En effet, cette parole différencie le mécréant du musulman. Car celui qui la prononce, en ayant connaissance de son sens et de ce qu'elle implique, sera musulman. Tandis que celui qui refuse de la dire, ou qui la prononce en ignorant son sens, ou qui la prononce et ne met pas en pratique ce qu'elle implique, ne sera pas musulman. Jusqu'à ce qu'il connaisse son sens et mette en pratique ce qui implique cette parole. Ensuite, l'auteur nous dit, c'est la parole de piété. Naam, c'est la parole de piété, car elle implique les œuvres de piété. Et aussi, car la plus grande piété, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve que la ilaha illallah est la parole de piété réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Tandis que le cœur des mécréants était animé d'un orgueil propre à l'époque de l'ignorance. Allah fit descendre sa quiétude sur son messager, ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus adeptes. Allah est omniscient. Et le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, dit que la parole de piété et la ilaha illallah. Ensuite, l'auteur nous dit, et c'est l'anse la plus solide. Effectivement, cette parole est l'anse la plus solide, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans Surat al-Baqarah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى L'anfisama laha, wallahu sami'un alim. Quiconque mécroit au tarout et croit fermement en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser, Allah entend et sait tout. Puis l'auteur nous dit, et c'est celle qu'Ibrahim en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Il ne cesse d'y avoir des gens de la descendance du prophète Ibrahim alayhi salam qui prononcent cette parole. Ils ne l'ont pas tous délaissé et n'ont pas tous associé, mais plutôt certains se sont maintenus sur celle-ci, même s'ils sont un petit nombre. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé, il fut envoyé avec cette parole, la parole d'unicité. Donc dans le début de son épître, l'auteur veut nous montrer l'importance de la parole d'unicité. Et ceci de deux façons. La première, en commençant son épître par « sache ». Et comme nous l'avons dit précédemment, ce procédé indique l'importance de ce qui suit. La deuxième façon, en mentionnant les différents noms de la parole d'unicité, malgré qu'il n'a pas mentionné tous les noms de cette parole. Par exemple, il n'a pas mentionné la parole de sincérité, qui est l'un des noms de cette magnifique parole. Et quelqu'un pourrait se demander en quoi le fait que l'auteur mentionne les différents noms de la parole d'unicité indique son importance. Et la réponse à cette question est que les savants mentionnent une règle très importante dans ce sujet, qui est avoir de nombreux noms est une preuve de grandeur pour celui qui est nommé par ceux-ci. Ainsi, les nombreux noms de la parole d'unicité est une preuve de son importance et de sa grandeur. De ce fait, l'auteur a mentionné certains d'entre eux pour montrer le rang éminent de cette parole, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde.